Prononciation, intonation, exercice 51. Confirmé par l'intonation interrogative. Écoutez. Oui, c'est exactement ce que je ressens. Comment tu comprends ça? Répétez. Tu es sûr? Tu n'as plus besoin de nous. Tu penses que tu vas trouver le chemin tout seul? Tu crois vraiment qu'il ne sera pas là? C'est donc la première fois que tu la verras.